Les masses médias de divers pays ont traité les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. L'agence de presse russe TASS, le journal Heilongjiang, le journal Dagombao, la télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong, le réseau Planète de Chine, l'agence de presse japonaise Kyodo, le journal brésilien Agua Verde, les homepages d'Internet du Comité national nigérien d'études du kimilsonisme, du Comité national d'études des études justices du Congo démocratique, du Comité brésilien de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et de l'Association d'amitié Bektsanchek Corée et le homepage d'Internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections ont rapporté son inspection de la compétition de pilotage des commandants des forces de l'air et de la DCA de l'armée populaire de Corée 2016. Le homepage d'Internet tchèque a inséré également ses inspections du commandement de la grande unité combinée 380 de l'armée populaire de Corée et des exercices de ski du bataillon d'infanterie alpine relevant de l'unité 1045 de l'armée populaire de Corée. Les masses médias ont présenté les photos du maréchal Kim Jong-un.